الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc الحمد لله، on est entré dans un nouveau فصل. On a fini فصل التوحيد والعقيدة، et dans le dernier درس on est entré dans le فصل de عشرينات في الطهارة والصلاة. C'est-à-dire la vingtaine de hadiths qui sont relatifs aux règles de la salat et de la purification. On avait récité, plutôt lu le verset d'Allah Azzawajal qui cite l'Wudu et le Tayammum. وَكَذَلِكَ خَزْنَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَلْ بِنِيَاتِ Que les actes ne valent que par les intentions. Dans le fait que dans chaque acte que tu débutes en religion, ton intention doit être de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Et de mettre une niya relative à l'acte que tu vas accomplir. Sans quoi, cet acte, aussi parfait soit-il, accompli dans son apparence, risque d'être invalide car la niya n'était pas présente. Fa l'yom sanatroul, incha'Allah, fi ma'a ta'alak bil wudu. Al wudu, qu'on nomme en français les ablutions. Il faut savoir que le wudu, les ablutions, c'est une condition pour que la salat soit validée. C'est une condition. Et la condition est شرط ما هو في علم الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. C'est une chose lorsqu'elle est absente, cela implique l'invalidité de ce que tu vas faire. Et que sa présence, elle n'implique pas forcément l'acceptation également. Mais tu es sûr que s'il n'y a pas cette chose-là, ce que tu vas faire sera caduque. Son absence implique l'invalidité directement. Mais sa présence peut être relative par rapport à d'autres conditions. Le fait que tu remplis une condition sur un acte ne veut pas dire que cet acte-là va être valide. Mais par contre, si la condition est absente, tu es sûr que l'acte est invalide. Ça, c'est automatique. Donc, مثلاً من شروط الصلاة الطهارة. L'eau d'eau. L'eau d'eau ou le ghusl à la hasab al-haja. يقول وجوب الطهارة للصلاة. Donc maintenant, c'est l'obligation de la purification pour la salat. Et ça, c'est plus général, الطهارة, que de dire l'eau d'eau. Car dans الطهارة, ça rentre l'eau d'eau, ça rentre le ghusl, ça rentre le tayammum, ça rentre dedans différentes choses. يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. Donc selon Abu Huraira, il a dit Nabi صلى الله عليه وسلم que Allah n'accepte la salat d'aucun d'entre vous, c'est-à-dire homme comme femme, toute personne qui fasse salat, toute personne, si jamais il en est un impureté mineur tant qu'il ne fait pas ses ablutions. La salat n'est pas acceptée. Donc ça veut dire quoi? C'est une condition pour qu'elle soit acceptée. D'accord? Donc cela n'est pas relatif, comme on l'expliquait, à ta niya seulement. Quelqu'un peut dire j'ai la niya de faire une bonne salat. Non, mais pour faire la salat, il faut que tu aies des ablutions si tu ne mets pas le dos. Ta niya ne suffit pas à ce moment-là. Sans quoi ta salat sera invalide. Tu peux la faire 10 fois, 20 fois, 50 fois, 1000 fois, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azzawajal. Donc nous, on tient à ces règles. Et on ne demande pas pourquoi, comment, c'est comme ça. Vous voyez? Et dans le verset qu'on avait pris, que Allah Azzawajal a fait cela pour parachever son bienfait sur nous. Et sans nous infliger de gêne. La alakum tashkurun, et la fin que l'on remercie. Donc il y a un bienfait pour nous derrière. Donc le rapporteur du hadith, c'est Abu Huraira, dont on a déjà parlé auparavant. Donc là, il dit La yakbelullahu salata ahadikum, que Allah n'accepte la salat d'aucun d'entre vous. Ce qui prouve que la salat, on l'a fait pour Allah, azzawajal, pas pour autrui, que pour lui. Donc c'est lui qui l'accepte ou qui la refuse. Une salat acceptée, قد جعل الله قد جعل الله عز وجل احكاما لقبول هذه الصلاه. Cette salat doit être accomplie comme Allah l'a voulu. Et entre autres, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni wa salli. Faites la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. C'est comme ça qu'on a fait la salat, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. Et si comme on ne l'a pas vu, nous, on a des hadiths qui montrent comment il l'a faite. Donc cela nous suffit. Donc la salat, on doit la faire comme lui l'a accompli. Pas forcément comme on t'a appris, comme tu as vu d'autres personnes le faire, mais comme lui l'a fait. Ça, c'est un ordre. Et c'est un ordre qui est fortement négligé aujourd'hui. Les gens font un salat comme ils ont envie. Voilà. Comme ils ont envie. On leur dit ça, ce que tu fais là, c'est pas dans la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a pas fait comme ça. Les gens vont dire oui, dans le madhab, c'est comme ça qu'on a appris. Moi, je suis malékite, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je suis hanavite, c'est comme ça qu'on fait. On t'a dit sallu kama ra'aytumuni wa salli. Faites la salat comme vous m'avez vu moi l'accomplir. Et ça, c'est important. Et c'est ça aussi qui revient au fond du verset « Inna salat tanaha anil farsha wal munkar » que la salat empêche de commettre turpitude et acte blâmable. Donc si tu veux avoir le fond de ce verset, la salat, faut la faire correctement, avec ses conditions, avec ses piliers, avec ses obligations, avec ses recommandations, tout ce que cela implique, sans quoi tu feras juste des gestuels comme ça, qui auront peu de valeur. Donc c'est une chose à ne pas prendre à la légère. On a expliqué que parmi les droits d'Allah Azzawajal, la première chose sur laquelle sera interrogé le Abd de Yom al-Qiyama, la Salah. Allah t'interrogera sur la Salat. Donc il dit, « Iza ahdatha hatta yatawadda'a » Donc Allah n'accepte la Salat d'aucun d'entre vous, s'il a fait un hadath tant qu'il n'a pas fait l'odo. Donc c'est quoi le hadath? قال احدث يوقع منه الحدث والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط وغير ذلك. Donc c'est toute chose qui t'aura mis en état de souillure mineure. Le hadath. Et ce qu'on appelle نواقض الوضوء. Les choses qui annulent ton wudu, qui font que tu dois faire l'wudu pour faire la salat. Ça a été réuni dans un des versets de poésie que l'auteur a cité. Nawaqid al-wudu ya khalilu sabru atat yad'amuha ad-dalilu ariddatu aklu lahm al-ibli wa kharij min duburin aw qublin wa nawmi wa mass al-faraj wal janabah zawal aqlin hadhihi al-isaba. Dedans, on y voit que les choses qui annulent l'odo sont le 7. En premier, Aridda, quelqu'un qui apostasie. D'accord ? Ses ablutions, elles sont perdues. Car déjà, à la base, quand tu apostasies, tous tes actes d'adoration, ils sont rendus invalides. Donc l'auteur a cité Aridda en premier. Quelqu'un qui apostasie, par exemple. Après, il fait Tawba, il revient la salat ou quoi, il doit faire l'odo. L'apostasie, ça annule. Akl lahm al-ibil, d'avoir consommé de la viande de chameau. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était interrogé par un homme, si jamais je mange de la viande de mouton, dois-je faire l'odo? Quand elle a inchita, si tu veux. Ou il a akaltum lahm al-ibil, quand elle a na'am. Dans le premier, il a dit si tu veux. Dans le deuxième, il a dit oui. C'est-à-dire que manger de la viande de chameau est une chose qui annule les ablutions. Il ne faut pas chercher à comprendre la cause, la raison, qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça. On appelle Hada Amrun Ta'abboudiyun. C'est une chose qui est liée aux actes d'adoration. Il n'y a pas forcément de logique dedans. Il faut qu'on dise pourquoi, qu'est-ce que contient la viande de chameau pour annuler les ablutions. On dit on ne sait pas. Si quelqu'un le sait, tant mieux pour lui. Ce qu'on sait, c'est que ça annule l'odo. C'est tout. Donc la viande de chameau. Khalij. Min dubur aw qubul, tout ce qui sort des deux orifices, devant et derrière, ce qui implique l'urine, ce qui implique les selles, ce qui implique tout ce qui est éjaculation, ce qui implique tout ce qui est sortie de liquide ou autre. D'accord ? Et également les pets. Ça, car ça sort d'où ? Ça sort par derrière. Donc tout ce qui implique une sortie d'un des deux orifices, d'accord ? Le pénis ou l'anus, ou le vagin pour la femme. tout cela annule les ablutions. Et cela peut également impliquer le roussel. Par exemple, quelqu'un qui a une nuit d'éjaculation, lui, c'est le roussel qu'il doit faire. L'eau douce ne suffit pas. La femme qui se menstrue, quand elle se purifie, elle doit faire le roussel. L'eau douce ne suffit pas. Et il y a d'autres choses, comme pour l'homme, Messalène, ce qu'on appelle le mazi, c'est le liquide. À chaque fois, j'oublie comment on l'appelle. Je crois que c'est sémantique, ou je ne sais plus. Pré-éjaculatoire. C'est le liquide de transport visqueux que les hommes sécrètent avant des relations. Ce liquide-là, quand il sort, il implique l'eau. Et c'est une impureté. Alors, par contre, le sperme, lui, ce qui est justement étrange, c'est que il implique le rousse, mais il n'est pas impur. Le sperme en soi n'est pas impur. Pour preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha disait qu'elle essuyait, elle essuyait les restes de sperme séchés sur le vêtement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et faisait la salat dans ce vêtement-là. Bon, allez, comme ça. Elle avait ça dans ce vêtement-là. Ce qui prouve que le sperme en lui-même n'est pas impur. D'ailleurs, c'est de là que vient l'homme. L'homme ne devient pas une chose impure. Donc toutes ces choses-là, d'accord, qui sortent des orifices, devant ou derrière, impliquent les ablutions. Naum, le sommeil profond. C'est pas tout sommeil. La somnolence, elle... Alhamdulillah. Le sommeil léger, lui, n'implique pas les ablutions. Le sommeil, par exemple, tu somnoles, mais tu sais ce qui se passe autour de toi, t'entends les voix, tout ça. Celui qui implique l'ambition, c'est le sommeil profond. Quand il arrivait avec les sahaba, attendait la salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il somnolait. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait, il faisait la salat direct, il ne faisait pas les ablutions. Ce qui prouve que la somnolence légère n'adule pas les ablutions. Wamas al-farj. Le fait de toucher son sexe. D'accord ? Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a touché son pénis qui fasse ses ablutions. Et plusieurs personnes ont voulu interpréter ce hadith en disant le toucher avec plaisir, ainsi de suite. Le hadith parle de rien de cela, il parle de toucher. Et un contact direct, bien sûr. De peau à peau. Donc, cela amène à ce que celui qui touche, l'homme qui touche son propre pénis ou la femme qui touche son propre vagin ou quoi, avec sa main, directement, elle refait ses ablutions. Et les ulama disent même toucher celui d'autrui. Par exemple, ta femme t'a touché, d'accord ? Ils disent qu'elle refait ses ablutions. Toi, tu as touché ta femme, à cette partie-là, tu refais tes ablutions. Et Shariah dit que même la femme, par exemple, qui change les couches de son enfant, elle le touche, d'accord ? Elle refait ses ablutions. Donc, c'est pas lié à une chose de plaisir ou pas plaisir, c'est lié au contact. Et d'une version, c'est même venu le doubour. C'est touché l'anus également. Mais cette version-là, elle n'est pas unanimement reconnue. Je sais que les machins au Yémen, ils voient que c'est valable. Celui qui touche son anus, par exemple, également, il refait ses ablutions. Allah ta'ala alam. Les autres avis des autres ulama, je ne les connais pas, mais s'ils ont dit ça, c'est qu'ils ont forcément des salafs qui ont dit la même chose. Okay. Taïeb. Donc, toucher, d'accord, les parties intimes, quand je parle de parties intimes, je parle du sexe, partie génitale, cela amène à refaire ses ablutions. Que tu aies un plaisir ou pas. Al-Janaba. Donc le janaba, d'accord, ce qui amène à un état d'impureté majeur. Janaba, c'est tout ce qui est amené à la sortie du sperme pour l'homme ou la coulée du liquide pour la femme également. Ou lorsqu'il y a eu un acte, une rencontre, à partir du moment où il y a eu une pénétration qui s'est faite, même s'il n'y a pas eu éjaculation, ça amène à janaba. Et la dîne d'Abi sallallahu alayhi wa sallam, il taqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl. Le khitanel, c'est quoi? C'est les parties du khitan, c'est ce qu'on appelle la circoncision. Le khitan de l'homme, c'est quoi? C'est lorsque la bout de peau est coupée et qu'il laisse apparaître son gland. Et il a dit le khitanan, c'est-à-dire que la femme également se circoncit. Il y a une circoncision pour la femme. Mais ce n'est pas comme les gens le conçoivent ou le répandent. Ce qu'ils appellent eux, comment ils appellent ça déjà? Excision. Qui revient à couper le clitoris. Ça, c'est pas ça le dit. La circoncision de la femme, c'est juste dans son vagin, il y a comme des lèvres, elle coupe une légère partie de ces lèvres-là. C'est tout. Ah ben le reste, ça c'est pas dans la religion. Couper le clitoris d'une femme, c'est que c'était pas dans sa religion. D'accord? C'est pas ça. Parce que les gens sont partis salir à notre religion et dire que la femme, on la prive de son plaisir, ce genre de choses, c'est cruel, c'est barbare. On dit, cette excision, peut-être c'est une coutume dans des lieux chez certaines personnes qui se disent musulmans ou quoi, mais en islam en soi, ce n'est pas ça. D'accord? Ce n'est pas ça. Il est fortement recommandé pour la femme de se circoncire. Par contre, pour l'homme, c'est obligatoire. La circoncision pour l'homme, elle est obligatoire. Mais pour la femme, elle est recommandée. Donc, dans ce hadith, il dit que si les deux chitens se rencontrent, donc ça veut dire que le pénis de l'homme rencontre avec le vagin de la femme, d'accord? Soumajahadaha, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement, qui doit se laver, même s'il n'a pas éjaculé, il n'y a pas eu d'orgasme ou quoi. La simple rencontre et le mouvement amènent à ce que les deux doivent se doucher. D'accord? Doivent se doucher, obligatoirement. Donc un simple wudu ne suffira pas à ce moment-là. Le fait de perdre la raison, comme le fait de s'évanouir, ou être pris de démence, pour quelques raisons. Ces choses-là également t'amènent à devoir faire tes ablutions. Donc on les répète. L'apostasie, la consommation de viande de chameau, tout ce qui sort des deux orifices, devant et derrière. D'accord? Le sommeil profond, toucher les parties génitales et la perte de raison. Normalement, il y en a sept. J'en oublie un. Al-Janaba, Al-Janaba, c'est ce qui amène à des rapports. D'accord? Également, la femme, c'est menstrue. À la base, la femme, quand elle a ses menstrues, le sang, il sort. Il sort par où? Par son vagin. Donc, c'est une sortie. Donc, déjà, ça amène au minimum, ça amène à un wudu. Sauf que la femme, c'est spécial. Ses menstrues, son sang, il est impur. Ça amène à ce qu'elle doit. Ça va venir, Inch'Allah, dans le kitab. Elle, c'est un rousl. Le simple wudu ne suffit pas. D'accord? Le simple wudu ne suffit pas. Donc, dans ce genre de situation-là, une personne qui n'est pas en état de purification, sa salat n'est pas acceptée. D'accord? Sa salat n'est pas acceptée. On va lire le Sharh al-Ijmali du hadith cité par l'auteur. قال الصلاة شأن عظيم عند الله تعالى فهي خير الأعمال ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة لأن الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى ما إلى مناجه مناجته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه متفق عليه. Donc il a dit, la salat a un très haut rang. Et quel est le meilleur des actes? C'est pour cela, d'ailleurs, c'est le deuxième pilier de l'islam. D'accord? Deuxième pilier de l'islam, et c'est le seul acte sur lequel les Sahaba disaient que son délaissement est du kufr. Parmi les actes de religion, ils étaient là-dessus, il y avait un ijma rapporté par Abdullah ibn Shaqiq, qui a dit qu'il a rencontré les Sahaba. وَمَا كَانَ يَرَوْنَ مِنَ الْعَمَلِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَى الصَّلَاةِ. Ils ne voyaient pas parmi les actes de la religion une chose qui était délaissée volontairement parmi les actes qui amenaient à du kufr, si ce n'est la salat. Donc cette salat, vu qu'elle est un lien entre toi, entre le serviteur Allah Azzawajal, tu ne peux pas y rentrer de n'importe quelle façon. Il y a des conditions. Entre autres, être purifié et de bonne apparence. Qu'on dit quoi de bonne apparence? Comme encore le Ta'ala. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ô fils de Adam, prenez votre parure dans chaque masjid. Ça veut dire, en fait, ce verset-là veut dire, parmi les interprétations, que tu viens avec ta aura qui est couverte. Ta aura, elle est couverte. C'est ça que ça veut dire. C'est pas forcément avoir des beaux vêtements en soi. C'est devenir d'une façon présentable auprès d'Allah Azawajal avec ta aura, partie intime, qui est couverte. Et pour l'homme, c'est ce qui va du genou au-dessus du nombril. Et pour la femme, c'est la femme, elle a une aura kulluha. C'est pour ça que la femme, elle est couverte des pieds à la tête. Toute entière, elle a une aura. Dans la salat, quand elle est entre femmes, elle doit être couverte, même la tête, elle laisse son visage et ses mains découverts. Et ses pieds, elle a le droit. Mais le mieux, c'est les couvrir également. en présence d'hommes étrangers qui peuvent l'avoir, elle se couvre le visage également et les mains, selon la vie authentique. Et aussi, c'est un tambi, lorsqu'on fait la salat, comme il l'a dit l'auteur, c'est un moment où on se présente devant Allah, Azzawajal. On l'a pris dans le hadith de Jibril, Al-Ihsan, an ta'bud Allah, kainaka tarahu, fainnahu, fainnaka inlam tarahu, fainnahu yaraka. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc quand tu fais la salat, tu te rappelles que tu viens devant Allah Azzawajal. Donc tu viens pas bien n'importe comment. C'est un minimum de respect. Demain, subhanallah, tu as un rendez-vous pour aller à un travail, quelque chose, tu vas bien t'habiller. Tu as un rendez-vous, même dans le haram, pour aller faire un truc spécial, tu vas bien t'habiller. En conséquence, les koufars, quand ils vont sortir, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Même avant, je me rappelle, quand on voulait faire des choses qui n'étaient pas correctes pour sortir le soir, il y avait écrit « tu es du correct exigé ». Tu venais pas habillé comme je ne sais quoi. Même pour dans le haram, on te dit « tu viens pas bien n'importe comment ». D'accord ? T'as des gens, ils ont un travail, ils ont un uniforme. Tu viens habillé d'une certaine façon. Comment pour la salat, qui est le deuxième pilier de l'islam, tu viens habillé comme si t'étais quelqu'un, quelque chose de quelconque. Tu fais attention, tu t'habilles bien correctement d'une tenue qui plaît à Allah Azzawajal, une tenue qui est conforme avec l'islam. D'accord ? Donc tout ce qui est pantalon, tout serré, ça c'est à oublier. Déjà le pantalon, il est serré, ta aura, elle apparaît. C'est des choses qui peuvent annuler ta salat. Surtout les pantalons de nouvelle génération, là, les... ils sont tous serrés là. On dirait des collants comme on portait nous avant. Tu vois ? Ça, c'est pas bon dans la salat. Ça, c'est pas bon ça. Et selon la vie authentique, le pantalon est interdit en soi, la salat, tu ne fais pas en pantalon. Il faut savoir une chose. On a mis une fatwa il n'y a pas longtemps de Shariah par rapport à ça. Les gens qui mettent des kamis accrochés dans le masjid, ils disent quoi les gens ? Ils disent c'est pour ceux qui sont mal habillés qu'ils puissent s'habiller pour la salat. On dit en faisant cela, tu encourages les gens à mal s'habiller en dehors de la salat. Donc tu penses bien faire, mais en réalité, en faisant ça, comme tu dis, reste comme t'es, mais quand tu as la salat, viens, t'as un kamis, tu veux t'habiller. On dit non, depuis le début, tu viens habiller correctement au masjid. Et sache une chose, si tu te changes pour la salat, c'est que t'es pas habillé de façon shal'i. Parce qu'un vêtement shal'i de base, de tous les jours, tu fais salat dedans. T'as pas besoin de te changer, à part s'il y a des taches, s'il y a une odeur ou autre. Cependant, le vêtement que tu as sur toi tous les jours, dans ta vie de tous les jours, s'il est shal'i, normalement, tu fais salat dedans. T'as pas à te changer. Donc si tu te changes, c'est que t'es pas habillé correctement de base. Ça, faut bien se mettre ça en tête comme de l'Olamaï dit. Si tu te changes, c'est que t'es pas habillé correctement de base, c'est que ton vêtement n'est pas cher. Tu vois. Mais après, il y a des cas où, oui, par exemple, je sais pas, moi, t'as fait travail, t'as fait quelque chose, tu t'es transpiré, tu veux te changer pour avoir... Oui, non. Mais c'est pas le vêtement en soi, c'est toi, en fait. Tu vois, t'es une situation, il faut que tu sois de meilleure posture devant Allah, Azzawajal. Et c'est pareil pour la femme. D'accord, les femmes qui viennent à la salat, elles ne viennent pas maquiller, je ne sais quoi. À la base, la femme, pourquoi elle est maquillée, la sœur qui sort de chez elle ? Pourquoi elle est maquillée ? Déjà, à la base, elle doit se couvrir le visage. Allez, selon la vie où le visage peut être permis d'être découvert, pourquoi elle est maquillée ? Pour plaire à qui ? Ce maquillage-là, elle lui est permis pour son époux, s'il y a une occasion avec des femmes, il y a un mariage ou quoi, ou quoi, ou quoi. Sinon, autour de ça, la sœur de chez elle n'est pas maquillée. Ni maquillée, ni parfumée, et ainsi de suite. Qu'à s'embellir, ça va être à quoi ? Attirer les regards. Alors qu'à la base, justement, on doit baisser le regard, ne pas regarder les femmes et ne pas faire en sorte qu'elles ne soient pas attirantes. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « al-mar'a, tashrafa shaitan ». Lorsque la femme sort, shaitan l'embille aux yeux des hommes pour que les hommes la regardent. Donc une femme doit faire les causes pour être le plus discrète possible. Elle ne sort pas embellie. Celles qui sont parfumées, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Fania zania », celle qui sort parfumée et qu'on s'en sent son parfum, c'est une fornicatrice. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Parce que l'on m'a dit, ouais, quoi, tu me juges, comment tu sais ? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Mais non, t'es pas une zania comme une femme qui a forniqué en soi, mais tu auras causé la fornication de l'odorat. Car chaque sens que tu as, ou tes membres que tu as lorsqu'ils tombent dans le haram, c'est une fornication. Le regard, fornique. Les oreilles, fornique. Les mains, fornique. Les pieds, fornique. Comment ? En faisant ce qui est haram. Maintenant, c'est pas la fornication comme l'acte pur que l'on connaît. Mais ça a été nommé comme cela par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait la salat, d'accord, on n'oublie pas qu'est-ce qu'on va faire. Chez, t'as des gens, avant même d'aller à la salle de sport, ils choisissent leurs vêtements. Maintenant, c'est même à la salle de sport, c'est la mode. Avoir toute la panoplie. Les gens donnent de l'importance à leur tenue pour toute chose. Pourquoi pour la salat, on ne le fait pas ? Alors que c'est plus important que tout le reste. Mais on ne le fait pas, malheureusement. Taïb. Donc, c'est un moment où on implore Allah, où on rentre en relation avec Allah Azawajal dans notre salat. Donc on doit y être de la meilleure façon. Yaqul wa liza amara bil wudu wa tahara wa laha wa taharatu laha wa akhbara annaha marduda ghayr maqbulatin bi ghayri dhalika. وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة حيث لا يقبله الله إلا بالطهارة. Donc c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Allah Azza wa Jal, a ordonné de faire les ablutions et de se purifier pour la salat. Sans quoi cette salat, elle est caduque, elle est invalide. Elle n'est pas acceptée. Ce qui prouve sa grandeur. يقول فوائد الحديث أن الصلاة المحدث لا تقبل ولو كان ناسيًا حتى يتطهر من الحديثين الأكبر والأصغر. Donc la salat de celui qui n'est pas en état d'ablution, en état de purification, n'est pas acceptée, même s'il a oublié. Il n'a pas fait exprès. D'accord, il n'a pas fait exprès. Il est venu faire la salat. On dit, tu n'as pas de péché. Mais ta salat, tu l'as refait. Même si le temps est sorti, tu l'as refait. Là, tu es excusé parce que tu as oublié. Ce n'est pas de ta faute. Rabbana la tuakhizna in nasina aw akhtana. Tu n'as pas l'ism. Mais la salat que tu dois faire, tu n'as pas rempli ton devoir, tu dois la refaire quand même. Même si on n'aura plus le lendemain, tu la refais le lendemain. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait exprès, qui a oublié. Quant à celui qui a fait exprès, lui, c'est Tawba. C'est Tawba. Donc, quand tu es en état d'impureté majeure ou mineure, tu dois te purifier pour la salat, obligatoirement. Thaniyan, an al-hadath naqid al-wudu wa mubtil lis-salat wa in kana fiha. Et que le hadath, c'est-à-dire les choses qui annulent les ablutions, donc les annulent, même si tu es en pleine salat, ça t'arrive, ça annule ta salat. Par exemple, tu es en pleine salat, par exemple, et tu as un paix qui sort. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu sors. Tu n'as pas à avoir honte. Hein. T'as déjà, ils ont honte. Tu n'as pas à avoir honte. Ou des fois, tu es dans la salat, il fait le takbir, après il dit « Ah !» Et il fait le dos, mais j'étais aux toilettes entre-temps, j'avais oublié. Sors de la salat d'affaires. T'en as, ils ont honte de sortir. T'as honte de quoi? Et honte de faire salat sans wodo. Ça, c'est honteux de continuer volontairement. Sors de la salat, n'est pas honte. Ils vont dire « Ouais, les gens, c'est le djinn, c'est la religion. C'est comme ça, tu sors et tu vas faire tes ablutions. » Et même si c'est déjà là-bas, t'as oublié, tu rentres chez toi, tu vas faire ton roussel et tu fais la salat après. Même si le temps il va sortir, c'est pas grave. T'as oublié, t'as pas fait exprès. Mais va faire ton roussel et après tu fais ta salat. Faut pas être gêné. Donc même si ça arrive pendant la salat, si t'arrive une chose qui est dans tes ambitions ou autre, tu arrêtes, tu vas t'arranger et après tu reprends ta salat. Salisan, al-murad bi'adam al-kaboul huna adam sihat al-salat wa adam ijza'iha. Ce qui est voulu par là, par le fait que la salat n'est pas acceptée, c'est qu'elle n'est pas valide et qu'elle ne t'apporte pas la récompense qu'elle donne, qu'elle implique. Ta salat, elle est refusée auprès d'Allah Azzawajal. Tu n'es pas comme celui qui ne l'a pas faite. Certains ne la font pas du tout. Toi, tu as fait quelque chose, mais ce que tu as fait n'est pas suffisant. Donc tu dois recommencer. Thalithan, ça je l'ai lu. Rabi'an, an at-tahara shartu nisihat as-salat wa fardiha wa nafaliha. Et que la purification est une condition pour la validité de la salat, que ce soit une salat obligatoire ou surrogatoire, c'est pareil. C'est la même chose. Ce sont les mêmes règles. Khamisan, an al-insan idha tawadda'a lis-salat ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارة لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. Que la personne, si jamais elle a fait ses ablutions pour une salat, par exemple pour le dhor, et que le asr arrive et qu'elle n'a pas terminé ses ablutions, elle n'a pas recommencé. Pas obligatoire. Si elle veut le recommencer, elle recommence. Elle a le droit. Je veux refaire l'wudu, j'aime ça et tout. Quand même. Mais sans quoi, si elle ne le refait pas, elle n'a pas le refaire. Hein? Tahara est valable tant que tu n'as pas perdu tes ablutions. Même si c'est un jour entier ou quoi, tant que tu n'as pas perdu tes ablutions, ce que tu as fait, ça suffit. Et n'oubliez pas, innamal a'mal binniyat, avant de faire l'ozo, tu mets la niya. De l'ozo. D'accord? C'est pas quelqu'un qui vient, il a chaud, il veut se rafraîchir, il se rafraîchit avec de l'eau, et dans ce rafraîchissement, il fait comme on fait dans l'ozo. Après la salade, elle vient. Il fait ça, tu dis, ah, j'ai pas l'eau. Ah, mais si, c'est bon, je suis rincé vite fait et tout, c'est bon. Non, c'est pas bon. tu t'es rincé pour te rafraîchir, pas pour l'eau d'eau. Donc si jamais tu fais ta salat avec ce lavage-là, ta salat est invalide. Car tu n'as pas mis la niya de base pour l'eau d'eau. Donc tu recommences. Donc l'attention, elle est très importante. Taïb. Hadha wa al-hadith al-thani wa 20. C'était le 22e hadith, on va prendre le 23e. قال صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant, après qu'on ait su le jugement de l'eau, comment faire l'eau? Donc là, c'est le descriptif du l'eau du Nabi صلى الله عليه وسلم. On va dire le plus complet, il y en a eu plusieurs. C'est le plus complet. يقول عن عمران مولى عثمان انه راى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا أو ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Himran, qui était un esclave affranchi de Othman, a dit qu'il a vu Othman demander un récipient plein d'eau. C'était pour enseigner aux gens comment faire l'eau. Donc ce qu'il a fait, il a versé de l'eau sur ses deux mains trois fois. Il les a lavées. Donc lavage des mains trois fois. Ce lavage des mains n'est pas obligatoire. D'accord ? Ce lavage des mains n'est pas obligatoire. À part un moment. À quel moment il est obligatoire de se laver la main dans le dos? Ce n'est pas propre à la salat. C'est propre au rite. Il y a un hadith qui dit à quel moment la main faut la laver. Non. Non. Hein? Oui. C'est pas une chose qui est liée à l'eau d'eau en soi. Mais c'est le feu au moment où tu fais l'eau d'eau. Hein? Oui, mais à quel moment particulier? C'est dans les 7 qui annulent ou pas? Non. C'est au réveil. La dîne Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était quand Ahadukum min nawmihi. Hein? Fala yutri liyadahu fil ina hatta yarsilaha salasan. Lorsque l'un d'entre vous se lève de son sommeil, qu'il ne rentre pas ses mains dans le récipient de l'eau d'eau avant de les laver trois fois. Ouvre sa main. Yadahu afwan salasan. Il a nous la adri et nabadat yad. Donc il ne sait pas où est-ce que sa main elle a dormi. Du moins, est-ce que sa main a passé la nuit. Ça, c'est pas lié à l'ablution en soi. C'est lié à la propreté. Parce que ta main, tu ne sais pas où est-ce que tu l'as mise pendant le sommeil. Et là, tu vas faire les ablutions, tu vas mettre ta main dans le récipient. Ta main, elle est entachée de quelque chose. Donc avant de faire tes ablutions, commencer, tu laves ta main trois fois. D'accord? Là, c'est une obligation. Mais cette obligation, elle est parallèle aux ablutions. Et si jamais tu ne le fais pas, tes ablutions ne seront pas invalides. Mais tu auras transgressé l'ordre. Et ça, c'est propre au réveil. Alors après, bien sûr... dans la journée, tu as fait des choses, tu as les mains sales, ou tu vas les laver avant de faire l'eau. Tu te sales les mains, je sais pas, tu es mécanicien, tu as fait du poisson, tu as fait à manger, tu as fait des choses, ta main elle est souillée par différentes choses, elle sent mauvais ou quoi. Oui, lave-la, ça va de soi. D'accord? Tu laves ta main d'abord et après tu fais tes ablutions. Sunna de verser l'eau sur ses mains trois fois. Et ça, c'est une sunna. D'accord? Il a dit ensuite, ensuite, il a rentré sa main droite dans le récipient d'eau. Donc il a fait une puisée d'eau. C'est-à-dire qu'il a pris l'eau avec sa bouche, en aspirant, et avec son nez en même temps. Comme ça. C'est un truc que beaucoup de gens ne font pas aujourd'hui. Avec une seule main, tu as ton eau dans ta main, tu la puises. Première chose, tu avales une partie de l'eau, enfin tu aspires dans ta bouche, et l'autre partie, avec ton nez, inhalation. Et dans ta bouche, tu remues. Après, tu craches, et avec ta main gauche, tu expires l'eau que tu as inhalée dans ton nez. Trois fois, tu fais ça. Et ça, c'est normalement, ça fait que la seule main, même, t'en as, ils font la bouche trois fois, après ils font le nez trois fois. Non, c'est les deux ensemble, simultanément. Après, c'est dur. Il faut s'habituer. D'accord ? Il faut s'habituer. Maintenant, celui qui n'arrive pas à le faire, bon, mais il faut que l'eau rentre dans la bouche et qu'elle rentre dans le nez. C'est pas que tu ouvres ton nez comme ça et tout. Il faut que l'eau rentre dans le nez. Et tu ressors après. Donc il a dit, ça tu fais trois fois. Là dans le hadith, il ne le dit pas. La soula, c'est trois fois. L'eau d'eau, tu peux faire une fois, deux fois, deux fois, trois fois, trois fois. Pas plus que trois fois. Et il y a un relève par rapport à la Madbadol Sincher, tu en as dit, c'est deux fois minimum. Il en a dit, c'est deux fois minimum. Wallah alam. Summa rasala wajahu salasan. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il lave son visage trois fois. Il prend la main, il lave son visage. Une, deux, trois. Le visage, ça va du front jusque au menton. D'accord? Et pour les hommes, il faut que la main, l'eau, passe sur la barbe. Tayyib. Summa masaha bi ra'sihi. Ensuite, il essuie sa tête. Et dans un hadith, c'est venu fa bada abi muqaddimat ra'sihi hatta zaba ila qaffahu thumma raddahu lil makan haythu bada'a. C'est-à-dire que tu passes sur ta tête avec tes mains depuis le front jusqu'à la nuque, puis tu reviens de là où tu as commencé. D'accord ? Ah, c'est également obligatoire dans l'eau. Et la sunna, c'est les oreilles. Avec les oreilles. Ça veut dire pour la tête, tu reprends une nouvelle eau. On a oublié les bras ? J'ai pas dit les bras ? Ah ouais, Afouane, j'ai oublié de sauter le bras. Afouane, Arsent. Donc après qu'il lave le visage, il lave. Quand il est au il est le mufraqayn, ça l'a. Là, ce lavage de main, il est obligatoire celui-ci. Parce que tu en as pensé comme ils ont fait au début. Ils ne vont pas le refaire. Non, c'est du début, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau, elle ait touché toute ta main jusqu'au coude. Là, l'ayette, c'est tout l'avant-bras avec la main comprise. Trois fois. Que l'eau touche du bout de tes doigts jusqu'au-dessus de tes coudes. Trois fois chaque partie. Trois fois ici, trois fois ici. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, mais tu ne le fais pas, ton dos, il est invalide. D'accord ? Donc, ne pas se contenter du premier lavage des mains. Celui-ci, ils ne vont pas, ils remplacent pas le second. Le second, il faut que tu le fasses celui-ci, obligatoirement. Alors que le premier, non. Parce que souvent, tes gens, ils font que ça, les avant-bras. J'ai déjà lavé mes mains au début. Il fait non, tu laves tes mains, c'est maintenant qu'il faut le faire, l'obligation. Ensuite, la tête. Là, tu reprends une nouvelle eau, tu passes sur ta tête du ton fond jusqu'à ta nuque, puis tu reviens. Ensuite, sans reprendre d'eau, là, dans le hadith, il ne le dit pas, dans l'autre hadith, c'est venu, tu lèves tes oreilles. En mettant tes index dans l'orifice de l'oreille et les pouces derrière le pavillon. D'accord, ça c'est une sunna. Et ça rentre dans le. Il y en a dit ça rentre dans le visage, le lavage du visage. Ouais, c'est une seule fois la tête. Aller et retour. Sunna, c'est retour. Hein ? Non. Ensuite, Sumarasala Rijlei Salaf Marral. Amirarin il al-Karbein. Puis c'est laver les pieds trois fois. D'abord pied droit, ensuite pied gauche. Chacun trois fois jusqu'à dépasser les chevilles. D'accord ? Et la dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ilu al-aqab min ad-dar, de faire prendre garde au talon. Parce que c'est une partie souvent qu'on néglige, on ne voit pas le talon. Il faut que l'eau elle touche tout ton pied. Le talon, entre les orteils, tout. D'accord ? Pour que l'eau soit passée partout. C'est important. Après, il a dit, celui qui a fait cette odo-là, de cette façon-là, puis qui fait rakatay, de rakat, sans ne penser à rien d'autre, c'est-à-dire l'esprit vide. Ce qui est chose qui est très, très, très, très, très dure. C'est-à-dire vraiment que tu fasses vite. Et après, tu fais rakatay derrière, que Allah Azzawajal lui pardonne ses péchés antérieurs. Et c'est une sunna de faire odo, avant, après de faire la rakatayn après l'eau. D'ailleurs, il a dit de Nabi Sassan qu'il avait entendu Bilal, les pas de Bilal au Jannah. Il lui a demandé, quelle chose que tu veux en particulier qui t'a apporté ce mérite? Il a dit, je n'ai jamais fait les ablutions sans faire deux rakats après. Donc faire deux rakats après l'ouzo, c'est obligatoire. Ceux qui peuvent les faire, c'est bien. C'est une belle sunna. Et même n'importe quel rakat que tu fais, par exemple, je sais pas, tu rentres, tu fais l'ouzo, tu fais tahiyat el masjid. C'est la salutation du masjid, ça rentre dedans. Ou tu rentres au masjid, tu fais rakat el comme le zor. L'essentiel, tu fais deux rakats, c'est tout. D'accord, tu fais deux rakats. Après l'ouzo, si jamais tu fais ça, c'est très bien. Autre que le salat obligatoire, on parle. Donc c'est une cause pour te faire pardonner tes péchés, les ablutions. Et il a dit Nabi Sallam que les péchés partent avec l'eau. Quand tu fais des ablutions, d'accord? Que les péchés partent avec l'eau. Et dans un hadith, c'est venu, dans les choses qui apportent un mérite et qui est l'avant-degré, il a dit, le Nabi Sallam, Isba'al Wudu, al-Karaha, c'est le fait de faire des ablutions dans les moments difficiles. Il fait froid. Tu te lèves, l'eau elle est froide. Et bien faire l'eau correctement dans ce moment-là, ça t'élève en degré. Après, tu dois réchauffer l'eau, bien sûr. Mais si tu peux pas chauffer l'eau et que tu n'as pas le choix, voyez, ça c'est les choses ici, généralement, les gens en France, ils connaissent pas les gens. Tu te lèves, tu mets l'eau chaude, voilà. Je peux dire au Yémen, c'est pas comme ça. Au Yémen, tu te lèves, là c'est quand on est à Dembedj. Après, dans le sud, c'est autre chose. Tu te lèves le matin, l'eau elle est froide. T'as pas le temps de la chauffer. Parce qu'on n'avait pas de chauffe-eau, nous, il n'y avait pas de. Si tu veux la chauffer, c'est à la casserole, sur la cuisinière. Tu vois? Ou alors, t'en as, ils étaient quoi? Ils étaient prévoyants, ils préparaient la soir de l'eau dans un thermos. Ils chauffaient de l'eau sur une casserole, dans le thermos, et le matin, quand ils arrivent, l'eau, elle est chaude. Il fallait être débrouillard, trouver un système pour avoir de l'eau chaude pour ce genre de situation-là. Mais je peux dire, au Fajr, l'eau, elle était froide de chez froide de chez froide. Et ton corps, également, il est froid. Tu vois? Ou les soirs aussi, on faisait la garde. Nuit blanche dans les montagnes. Il fait froid, mon frère. Ça veut dire, il fait froid. Là, il a des souvenirs. Et ben, t'arrives, c'est l'heure du fajr. Et pour dire, il faisait tellement froid. Quand on faisait l'eau avec l'eau gelée, on sentait pas l'eau. On sentait pas l'eau. Tellement il faisait froid dehors, il faut faire l'eau. Normalement, l'eau qu'on faisait en se levant du lit, tu viens pour faire l'eau, t'as une répulsion. Pas de l'eau en soi, mais de la situation, tu vois. Parce que détester l'eau, ça c'est. Chose qui a de l'islam, c'est une chose de la religion. Non, c'est la situation, tu vois. Tu sors de ton lit, t'as froid, il faut que t'ailles dans l'eau gelée. C'est dur pour le nefs. Mais quand on faisait la garde, le soir, la nuit, là, on avait tellement froid dans les montagnes, on vient se faire de l'eau d'eau, bah l'eau, on ne sentait même pas qu'elle était froide. Parce qu'on était déjà gelé de dehors, en fait. Tu vois. Donc ces situations, c'est difficile. Ou le pire, c'est quand t'es en janaba. Ça, c'était violent, ça. Ça, c'était violent. Tu te lèves en janaba. Tu vois, et l'eau elle est gelée, ah c'était dur. Ah c'était dur. Donc fallait anticiper ça, fallait être prévoyant. Quoi qu'il en soit, c'est les choses qui t'aident à bon degré qui fassent tes péchés. D'accord? Yaqul, fawaid el hadith. Bon, là avec ce qu'on a dit, on a expliqué le hadith en gros en soi. Qui fasse que, Inch'Allah, on va pas lire l'explication, elle est claire. Elle est wadiha. Fawaid al-Hadith. Fadilat Amir al-Mu'minin Othman ibn Affan. On n'a pas même pas lu ce qu'on a. Attendez, on va finir ça, on va revenir sur Othman. J'ai oublié de lire le passage sur Othman. Astaghfirullah. Fadilat Amir al-Mu'minin Othman ibn Affan. Hirsuhu ala nashr al-ilm wa sunnah. Ce qui montre le mérite de Othman et ce qui montre. Le soin qu'il apportait à propager le ilm et la sunna. Thaniyan, mashru'iyyat al-wudu bi hadhihi al-kayfiyyah, yaghsil kaffayhi thalathan, thumma yatamadmad wa yastanshiq wa yastansir, thumma yaghsil wajhahu thalathan, thumma yadayhi ma'a al-mirfaqayhi thalathan, thumma yamsahu bi ra'sihi, thumma yaghsilu rijlayhi thalathan, wa hadhihi kayfiyyat wudu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui montre que la façon de faire le wudu, c'est celle qui est légiférée, c'est celle-ci. De se laver trois fois les mains, puis de faire la mazmaza, l'estinchak ou l'estinsar, c'est aspirer l'eau, aspirer par le nez et ressortir l'eau, tout ça. À la base, c'est trois fois. Dans le hadith, il ne stipule pas, dans le hadith, c'est venu, c'est trois fois également. Puis se laver le visage trois fois. Puis se laver les mains jusqu'au coude, trois fois. Puis essuyer la tête, une fois. Puis les oreilles avec. Puis se laver les pieds, trois fois. Voici comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. C'est la version la plus complète qu'il y ait. Après, d'autres hadiths à côté sont venus pour mettre certains détails, comme les oreilles par exemple, et ainsi de suite. Comment on vient passer l'eau entre les orteils, la barbe, ce qui s'ensuit. Mais là-bas, c'est ça. Yaqul salisan. Al-tayamun fi tanawil al-ma. Fi tanawul ma al-wudu li ghusl al-arda. Qu'on commence par la main droite. À chaque fois par le côté droit, plutôt, on va dire. Quand tu fais le wudu, tu commences toujours par la droite. Comme a dit Aïcha, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit boule tayammun fi tarajjulihi wa tanawulihi wa taharatihi wa sha'nihi kullihi. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans tout ce qu'il entreprenait, dans sa purification, lorsqu'il se peignait, commençait par la droite, lorsqu'il enfilait ses sandales, commençait par la droite, quand il s'habillait, commençait par la droite, toute situation, commençait par la droite. Rabi'an wujub at-tartib bina ardal wudu fala yuqaddam al-muta'akhkhar ala as-sabiq. Qu'il est obligatoire de suivre cet ordre lorsque tu fais les ablutions. Tu commences par les pieds, après par la main. D'accord ? Est-ce que ça annule les ablutions ? Non. En soi. Oh, je ne sais pas. Et le fait de faire plus de trois fois, c'est mukharafat et sunnah. Mais ça n'annule pas tes ablutions. Maintenant, si tu ne fais pas dans l'ordre, est-ce que ça annule ? Allahu ta'ala alam. Je ne m'en rappelle plus. Mais c'est obligatoire. Et à la base, délaisser l'obligation volontairement, ça annule la chose. Khamisan, anna hadi sifa hiya sifat wudu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-kamila wa anna sabab li ghufran adh-dhunub. Donc ça, c'est la description la plus complète des ablutions du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle est une cause de pardon des péchés. Sadisan, mashru'iyati as-salat ba'da al-wudu, et qu'il est légiféré de faire la salat après les ablutions. Sabi'an, anna sabab tamam as-salat wa kamaliha hudur al-qalb bayna yadayhi Allah ta'ala. Et ce qui parachève et complète la salat, c'est d'avoir l'esprit concentré, d'être concentré dans la salat, de se rappeler qu'on est devant Allah Azawajal. Thamilan fadilat al-wudu al-kamil wa annahu sabab li ghufran adh-dhunub. Ça, il a redit. Tasi'an as-sawab al-maw'ud bihi yatarattab ala majmou' al-amrayn wa huma al-wudu ala nahwi al-mazkur wa salat rakatayn ba'dahu ala sifat al-mazkura. Et ce qui montre l'accomplissement de la promesse de la récompense, c'est de réunir les deux choses citées dans le hadith. Le wudu comme il a été décrit, et deux rakats après. Et sans avoir pensé à quoi que ce soit entre les deux. C'est-à-dire vraiment être concentré de façon totale. Ce qui est très difficile. عاشرًا أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب والصغائر. Et que la récompense qui en découle, c'est que tu vois tes petits péchés qui sont effacés. طيب, là on va finir par Othman, que j'ai oublié de citer. J'ai sauté directement le charh du hadith. Donc Othman ibn Affan, Ibn Abi al-As, Ibn Umayya al-Qurayshi. Donc c'est un Qurayshite de la tribu de Quraysh. Al-Amawi, Amir al-Mu'minin, qui était un chef des croyants, il était gouverneur, il était le troisième, après Abu Bakr, puis Omar, puis ce fut le tour de Othman. Et il fut décrété comme gouverneur, après l'assassinat de Omar, par Ashura, la consultation des gens dignes, et non pas des élections. Sûrement pas. C'est les gens, les Sahaba, et certains, en particulier pas tous, qui avaient une expérience dans un domaine, savoir qui était le plus apte à prendre le pouvoir par la suite. Ils se sont réunis entre eux et ils ont décidé que c'était Othman. Et d'ailleurs, le tashayyu à la base du chiisme, c'était le fait de préférer Ali à Othman. C'est tout. De voir que Ali était prioritaire d'avoir le commandement que Othman. La base du chiisme, c'était ça. Et après, ça a pris de l'ampleur pour en arriver au stade qu'on connaît aujourd'hui, surtout les Rawafid, qui sont les extrémistes qui, eux, en sont arrivés à rendre mécréants les Sahaba et dire beaucoup de monstruosité en religion. Mais la base, à l'époque, Tachayyur, qu'il y avait chez les premiers, c'était pas celle de maintenant. Ça n'avait rien à voir. Et que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les deux Hijra Othman. Il est parti à Habasha et il est parti à El Medina. Et que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, l'a marié à deux de ses filles. D'accord ? La première, c'était Ruqayya, puis elle est morte. Puis il a marié à Umm Kulthum. C'est pour ça que Othman a été nommé Zunurayn, l'homme des deux lumières. Qui étaient ces deux lumières ? Les deux filles du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait beaucoup d'actes, Othman. Il était assassiné par les Khawarij. Alors qu'ils lisaient le Coran, ils sont rentrés chez lui et ils l'ont assassiné. Ils ont dit qu'il y avait même du sang sur le Mus'haf qu'il lisait. طيب. Donc, هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين. نكتفي بدي هذا القدر والحمد لله رب العالمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.